Chapitre deuxième. Il y avait en effet sur le pont, lorsque nous y montâmes, pas plus de 4 soldats. 2 appartenaient à l'artillerie, 1 aux chasseurs, le dernier à une compagnie de tirailleurs indigènes. C'était un homme de sang nègre ou kabyle, si épuisé par la fièvre que le noir de sa peau en paraissait vert. Tous 4 étaient affreusement maigres, avec des épaules aiguës, des joues rentrées, des dents longues sous des lèvres décolorées, et leurs yeux brillaient de cet éclat qui dénonce le long empoisonnement intérieur. Les 3 blancs avaient aussi un teint si verdâtre qu'ils ne se distinguaient de leurs compagnons que par la coupe du visage et par la forme des lèvres. Les capotes délabrées, les képis déformés, la repoussante malpropreté des basanes et des chaussures, l'absence de linge, tout trahissait chez ces malheureux l'incurie radicale du troupier qui a trop pâti entre la tente et l'hôpital. Il se laisse aller et perd cette coquetterie de l'uniforme sans laquelle il n'y a pas d'armée. La maladie avait brisé en ceci le ressort militaire. Elle en avait fait de pauvres animaux, recrues de lassitude et avec un unique désir de souffrir moins. Ils se tenaient tous 4 contre le bastingage, assis sur leur bissac et sans prendre garde aux curiosités éveillées autour d'eux. À les voir si minables et si vaincus, j'oubliais de philosopher davantage sur le plus ou moins de bonheur du ménage dans l'intimité duquel j'allais voyager. Je ne suis certes pas de ceux qui mettent les souffrances de la chair au-dessus des souffrances morales, dans l'échelle des épreuves humaines. Je sais qu'une femme, jeune, jolie et comblée, peut connaître dans son luxe des agonies du cœur qui égalent en intensité les plus cruelles agonies physiques. Mais c'est un fait que l'être atteint dans son cœur émeut nos nerfs quand il est là, sous nos yeux, d'un frisson qui ne nous permet plus de plaindre autant celui qui souffre dans sa pensée. Tel est le cas des médecins que le récit de la pire détresse morale laisse d'ordinaire parfaitement insensibles. Leur charité demeure ouverte à la créature qui a soif, qui a faim, qui saigne. Elle est fermée à la douleur qui regrette, qui se repent, qui désespère. C'est qu'on ne peut pas douter de la détresse physique et que l'autre détresse, celle de l'âme, est toujours suspecte d'imagination. Madame de Maigret pouvait être, elle était beaucoup plus malheureuse que ma sympathie ne l'avait soupçonnée. Mais je ne voyais pas ce malheur. Au lieu qu'un premier regard jeté sur ces victimes de la terrible guerre coloniale, j'avais vu leurs souffrances et j'en avais eu mal moi-même jusque dans ma chair. Cependant, la sirène avait sifflé et le bateau s'était ébranlé. Nous avancions d'un mouvement rapide, disait la vigueur de la machine emprisonnée dans ce rafiot, comme l'avait irrévérencieusement appelé Maigret. La Perle était un ancien yacht de plaisance construit en Angleterre. Ainsi l'attestait le Built in Glasgow encore inscrit à son arrière. Elle gardait de sa noble origine de réelles qualités de vitesse et de bon équilibre. Le capitaine, piqué par les reproches de mon compagnon, tenait sans doute à lui prouver ce que valait son bâtiment, dont il avait l'orgueil, comme tous les vrais marins, car je l'entendis qui disait au comte: « Vous ne trouverez pas un bateau qui vaille la Perle, de Gênes à Marseille, quand elle est bien lestée, comme aujourd'hui, et qu'elle a cette petite brise. Si ma compagnie ne me mesurait pas le charbon, nous serions à Port-Cros en 1 heure. Nous avons passé l'autre semaine par une tempête, quand l'escadre ne voulait pas sortir. Mais aujourd'hui, quel temps! Et vous pouvez faire le tour du monde. Allez, monsieur, vous ne trouverez rien de plus régalant que cette côte. » Quoique la phrase sur l'escadre attestât, chez le brave commandant de la Perle, malgré ses yeux bleus d'homme du Nord, une large dose de fantaisie marseillaise, il ne mentait pas en célébrant la magnificence de la rade par cette glorieuse matinée. Les malheureux soldats m'avaient fait oublier la jeune comtesse, et ce spectacle me faisait oublier maintenant les malheureux soldats. Au fond, les montagnes qui enserrent Toulon dressaient leurs masses nues, âpres, arides, noires par place d'une végétation brûlée, grises de pierre comme écorchées à d'autres, et partout, sur l'eau moirée de l'immense bassin, des vaisseaux de haut bord surgissaient. Ici, d'anciennes frégates à plusieurs ponts, peintes en gris et tristement dématées, là, des cuirassés modernes et des torpilleurs sombres avec leurs silhouettes d'usines scientifiques. Des canots glissaient, volaient entre ces vaisseaux et le port, montés par des matelots en uniforme qui manœuvraient leurs 12, leurs 24 avirons avec une précision miraculeuse. Les rames se levaient et s'abaissaient sans que l'une dépassât l'autre, et les canots semblaient avoir 2 ailes comme les blanches mouettes qui passaient et repassaient, fouettant l'air bleu de leurs plumes souples à pointe noire, dont on croyait entendre le frôlement. quelques-unes plongeaient en jetant un cri aigre comme une plainte. On les voyait qui, de leur bec agile, piquaient dans la mer quelques débris. Puis elles repartaient d'un irrésistible élan. D'autres, repus, nageaient comme des cygnes et se laissaient bercer au remous des embarcations qui les croisaient sans les effrayer. Lorsque la Perle eut franchi la passe que garde le fort de l'Aiguillette et virut de bord, dans la direction du cap Lamalgue et du cap Brun, une ligne de côte commença à se déployer, aussi lumineuse, aussi élégante que si le vapeur, au lieu de naviguer de Toulon à Porquerolles, fût allé du Pirée à Chalkis ou de Nauplie à Catacolo. La noble arête des montagnes continuait de se dessiner, sèche et blanche, sur l'azur profond du ciel. La mer frangeait les criques d'un ourlet d'argent, et c'était, entre les rochers rouges de ses petites anses et les premiers contreforts de la montagne, une onduleuse végétation d'oliviers, de pins, de chênes-lièges, semée de villapintes et de bastides. La mode n'a pas encore touché, heureusement, cette région de la Provence qui conserve, jusqu'à l'étrange presqu'île de Gien, projetée en forme de T, sa jolie physionomie sauvage, cet inexprimable charme d'une autre Grèce, aussi claire, aussi gracieuse, dans sa rudesse rocheuse. Une colonnade ruinée sur ses hauteurs, et l'illusion serait complète, tant ce ciel et cette mer, ces montagnes et ces grèves, ont la même nuance de lumière transparente que l'Attique ou le Péloponnèse, et tout autour, ce même air vibrant, subtil, alerte, qu'il suffit de respirer, croirait-on, pour être gai, de la gaieté légère des Grecs et des Provençaux. Il était écrit que ce rayonnant paysage s'associerait pour moi à des incidents d'un ordre tout autre, et que j'éprouverais une fois de plus, dans ce cadre de nature païenne, des impressions peu compatibles avec cette gaieté-là. Au fond, sera-t-elle jamais vraiment la nôtre, à nous, les enfants compliqués du Nord? Un moment, et comme je me retournais pour contempler la haute mer, j'aperçus Madame de Maigret seule, à l'autre extrémité du bateau. Elle était debout, accoudée contre le bastingage, à quelques pas du groupe formé par les quatre rapatriés qu'elle regardait avec une attention singulière. Ceux-ci ne paraissaient d'ailleurs pas plus se douter de cette attention que du radieux horizon éployé autour d'eux. Ils demeuraient assis, accroupis plutôt sur leur sac, tel qu'ils s'étaient affalés à l'arrivée. Leur visage épuisé montrait cette même impassibilité amère et insouciante qui m'avait tant frappé. Il était trop naturel qu'une femme jeune et délicate en fût frappée davantage, surtout appartenant à la classe sociale de celle-ci et à ses habitudes. Il est si rare que dans un certain milieu de luxe, une grande dame réalise jamais d'une manière concrète la féroce inégalité du sort. Enfant gâté du monde, qui jouit tout naturellement d'une atmosphère de serre chaude autour de ses plus légers, de ses plus complaisants malaises, comment ne serait-elle pas saisie d'un remords quand elle constate de ses yeux qu'il existe pourtant des êtres humains, ses semblables, qui ne dorment pas dans des lits, qui ne vont pas dans le midi l'hiver, dans les Alpes l'été, mais qui subissent tantôt la dureté de l'hiver glacial, tantôt l'ardeur d'un été torride sous des climats meurtriers, des êtres qui vont et qui viennent, non pas où les mènent leurs caprices, mais où les envoie une discipline implacable, sans argent dans leurs poches, sans affection autour d'eux, sans foyer, comme des esclaves temporaires, mais comme des esclaves tout de même. Je crus discerner cette pitié dans l'attitude attristée de la jeune femme. Elle contrastait de nouveau d'une façon saisissante avec la jovialité de son mari. Celui-ci, dont j'entendais résonner la grosse voix, était dans la cabine du capitaine avec lequel il s'était réconcilié. Le cigare que fumait le brave marin, tout pareil à celui du comte, attestait cet accord. Penché sur une carte de la côte, il buvait de l'eau-de-vie en causant. Leurs paroles m'arrivaient, coupées par les saccades de la machine, et les noms d'animaux que je surprenais ainsi me prouvaient que Maigret questionnait l'autre sur les chasses de la contrée. Par un instinct de sympathie qui allait me mêler, sans que je m'en doutasse, un secret très intime, je traversai le pont pour aller vers la comtesse. Je l'abordai en lui montrant le groupe des rapatriés et lui disant « Comme on voit qu'ils ont souffert, n'est-ce pas ?»« Oui, » répéta-t-elle, « comme ils ont souffert. » On avait bien dit que c'était une dure campagne, Dieu sait par où ils ont passé. « Voulez-vous que je les fasse causer ?» repris-je. « Nous en saurons plus par trois ou quatre phrases de ces pauvres diables que par tous les journaux. » « Je n'osais pas vous le demander, » répondit-elle avec un rien de rougeur aux joues et une expression que je devais mieux comprendre plus tard. Je n'y vis que la preuve de sa timidité native. Elle me connaissait si peu. Nous fîmes ensemble les quelques pas vers les rapatriés. Ce fut un des artilleurs qui releva le premier la tête quand nous nous fûmes arrêtés près du groupe. « Vous êtes heureux d'être rentré en France ?» lui demandai-je. « Sûr que nous sommes moins mal que là-bas, » répondit l'homme. « Si seulement nous nous y étions battus. Mais vrai, ce n'était pas la peine de nous faire faire ces 22 jours de mer, à nous et aux pièces. Nous n'avons pas seulement vu l'ennemi. Si tu es arrivé, on nous a versés dans les tringlots, et nous avons passé des semaines à voiturer des tonneaux de tafia entre Majunga et Andriba. 500 nègres et 200 mulets auraient suffi à cette besogne, et nous n'aurions pas enterré tant d'hommes dans les cimetières de Majunga et de Marololo. Sans compter, dit son camarade, ceux que nous avons jetés dans la mer Rouge, 40 rien que sur notre bateau, quand nous sommes revenus. Vous aviez la chance encore de boire le tafia pour vous ravigoter, dit le tirailleur en esquissant un sourire qui fit briller le blanc de ses dents entre les deux bourrelets décolorés qui lui servaient de lèvres. On nous le rationnait à nous, ce qui ne nous empêchait pas de mourir comme des mouches. C'est nous qui avons commencé la route pour y faire passer les voitures Lefèvre. Quelle voiture ! Pour vous rappeler, toutes cassées à la jointure du brancard et de la caisse, on les ratelait avec des branches d'arbres, puis on finissait par les jeter et on en brûlait le bois la nuit dans la montagne. Faisait-il chaud le jour et froid le soir, et on mourait, Dieu, ce qu'on mourait !» Il haussa les épaules et retomba dans son apathie. Le quatrième soldat, le sous-officier de chasseur, n'avait pas parlé. C'était un garçon au trait assez fin, avec je ne sais quoi d'obscur et de presque féroce dans sa physionomie. Il nous avait regardés avec une sorte de rancune envieuse et une mauvaise lueur dans ses prunelles. J'aurais hésité à l'interroger si Madame de Maigret ne m'avait dit en anglais « Do you speak English ?» Et sur ma réponse affirmative « Will you ask the first one about his life over there ?» me demanda-t-elle d'une voix dont l'émotion m'étonna un peu, même à cette minute. « Et vous, chasseur, dis-je sous-officier, est-ce que vous avez été aussi employé à voiturer le tafia et à faire la route ?»« Moi ?» répondit le jeune homme en haussant les épaules, « pas même. Je n'ai rien fait du tout que d'être sous la tente. C'était dur. 39 degrés à la place où nous posions notre tête, et pas un arbre que des bananiers de ci de là, qui ne faisaient pas plus d'ombre que mon bras. » Et il l'étendit. Elle a commencé dans la plaine de Majunga, cette belle vie, pour continuer à subir Biéville. En voilà une garnison. Le major a eu pitié de nous et nous a fourrés dans les paillotes brûlées des habitants. On était un peu mieux, mais quelle misère! Toute la journée à porter des malades sur les brancards. Il y en avait 500 à l'hôpital à un moment, et 7 infirmiers pour les soigner. Pas de repos le jour à cause de la chaleur, pas de sommeil la nuit à cause des moustiques. Au commencement, on s'était dit, on aura chaud, voilà tout. Et puis l'on sentait que cette chaleur n'était pas comme les autres. C'était quelque chose d'humide et de mou qui vous pourrissait le sang. On mangeait et la viande ne vous nourrissait pas. On buvait et l'eau ne vous désaltérait pas. Et puis, on devenait faible, faible et on maigrissait. Alors, la fièvre vous prenait avec une espèce de délire. On se croyait au pays et on mourait. Ceux qui nous ont envoyés là mériteraient d'y aller un mois seulement, rien qu'un mois. Terre de malheur, ce qu'elle en a mangé de nous autres. Le sous-officier ferma les yeux comme s'il voyait de nouveau l'affreux spectacle. Ses paupières baissées sur les globes saillants de ses yeux se détachèrent sur les méplats de son pauvre visage consumé et pendant une seconde, il eut le masque de la mort. Nous en tressaillîmes d'horreur, Madame de Maigret et moi. Je vis ses doigts fins se crisper sur la poignée d'un petit sac de voyage en cuir vert qu'elle tenait à la main et d'une voix encore plus basse, elle me dit, toujours en anglais, « Will you ask him if the officers were as badly off as the men ?»« Les officiers, dit le chasseur, quand je lui eus traduit cette question. « J'en ai enterré 2 de mes mains sur 4 qui commandaient au camp, et ceux-là, c'était des bons. Ils menaient la même vie que nous, et sous les mêmes tentes. Oui, nous en avons perdu 2, un capitaine et un lieutenant. Ça fendait le cœur de les voir marcher à la fin, le lieutenant surtout, qui était un grand beau garçon. » Il était devenu un squelette. On allait le renvoyer en France quand il l'a passé. Il était bien temps. Je n'eus pas le loisir de me demander pourquoi ces détails nouveaux avaient produit une impression plus forte encore sur la comtesse, au point de la rendre presque livide. Car juste à cette minute, la voix de Maigret nous interrompit brusquement. Il interpellait sa femme sur un ton de sécheresse irritée, ce qui révélait trop son mécontentement de cette conversation. « Pouvez-vous me donner quelques minutes, ma chère Alice ?» avait-il dit. « J'y vais, » répondit-elle, cette fois d'un accent à peine perceptible, et déjà les deux époux étaient à l'arrière du bateau qui échangeaient des phrases peu aimables, car la jeune femme se retira presque aussitôt dans la cabine des passagers, tandis que Maigret allumait un nouveau cigare, qui se mit à fumer en regardant obstinément l'horizon. Il était honteux d'avoir cédé en ma présence à un mouvement qui me semblait, je dois le confesser, moins brutal encore qu'énigmatique. Il n'était certes pas jaloux de moi. Ce qui l'avait froissé profondément, c'était donc que sa femme causait avec ses soldats. Je me rappelais soudain sa mauvaise humeur quand il avait appris que nous voyagerions avec des rapatriés de Madagascar. L'insistance émue de la comtesse pour que je questionnasse ces malheureux, le trouble où l'avait jeté le détail des misères de l'expédition, sa phrase sur les chefs, tout s'accordait pour donner un mot probable à cette énigme. Avec l'étrange facilité des romanciers à construire une histoire imaginaire et coupable sur des données par elles-mêmes innocentes, j'imaginais aussitôt un drame compliqué de passion mondaine. Madame de Maigret, follement éprise d'un officier, le mari sur le point de découvrir cette intrigue, le jeune homme parti là-bas pour Madagascar d'où il allait revenir. Puis j'eus honte d'avoir admis seulement la possibilité d'une pareille aventure chez une femme de cette modestie et de cette piété. Je me dis que j'avais rêvé, qu'Alfred de Maigret avait tout bonnement parlé avec sa femme de quelques détails de ménage, qu'elle était rentrée dans la cabine pour se reposer, qu'il fumait sans bavarder parce que ma conversation ne l'intéressait guère, enfin que la curiosité de la comtesse à l'égard des rapatriés n'avait absolument rien de personnel. D'ailleurs, un incident d'un ordre plus positif survint tout d'un coup qui me bouleversa trop vivement pour me permettre une autre pensée. Mon saisissement fut si profond qu'à revenir même en mémoire à cette minute, mon cœur se serre. Les moindres détails de ce tableau ressuscitent devant mes yeux comme si j'étais encore là, debout, contre la cheminée du navire, avec l'avant déployé tout entier sous mon regard. Je revois le mousse qui jouait avec un jeune chat auquel il présentait et retirait un morceau de poisson, le cuisinier chantonnant devant son fourneau, le capitaine et deux matelots gesticulant et du doigt montrant un point sur la côte de Gien toute proche. Et je revois surtout les quatre soldats. Trois d'entre eux de nouveau immobiles et muets, et le quatrième. Ah, le quatrième, je le revois. Épiant de sa prunelle aiguë si personne ne le surveille. Il n'aperçoit que des visages qui regardent ailleurs. La cheminée empêche qu'il me sache là. Son bras droit s'est levé comme pour s'appuyer à un paquet de cordes sur lequel je reconnais le petit sac de cuir vert oublié par Madame de Maigret. Le bras s'incline et le sac est renversé sur le côté. Un autre geste et le sac tombe entre le paquet de cordes et le bastingage. Un autre regard de défiance et de ruse et la main travaille derrière le paquet de cordes. La main se retire. Elle vient d'ouvrir le sac et d'y prendre un objet de métal qui brille une seconde entre les doigts crispés. Est-ce un bijou, un flacon, une bourse d'or? Encore un regard et très adroitement l'homme a replacé le sac sur le paquet de cordage. Il a fait le geste d'être incommodé par le soleil. Il a quitté sa place pour venir s'asseoir à l'ombre, pas très loin de moi, et je sens que j'ai détourné mes yeux, la pourpre de la honte aux joues, la gorge serrée, comme si c'était moi le voleur et non pas lui, ce malheureux, ce mourant, qui vient de risquer le cachot, la compagnie de discipline, 10 ans de service à Biribi, comme ils disent, afin de s'approprier un bibelot quelconque et appartenant à qui? À une personne dans les yeux de laquelle il a pu lire une si délicate pitié pour ses misères et pour celles de ses camarades.